condition de souffrir, à condition de faire telle et telle affaire, mais c'est l'équivalent de souffrir. Ben oui, c'est sûr que c'est l'équivalent de souffrir, mais je n'appelle pas ça le bonheur. L'espoir religieux est faux. L'espoir religieux est un tamponnage pour que tu ne vois pas plus loin. Tu sais, le gars qui tue sa femme et ses enfants à coups de couteau, oui, là, mais... au nom de Dieu, puis il recherche le bonheur, le gars, là. Il va nous expliquer qu'il recherche le bonheur. Oui, des religions. Moi, je vais vous dire que le gars, il faisait exactement ce qu'un humain fait. Il vivait dans le malheur, puis là, il y a eu une dose subite, un besoin subite, une attaque de bonheur. Oui, mais c'est pas la religion. C'est pas la religion elle-même. Non, ça, c'est un concentré. Qui provoque ça. La religion, c'est pas ça qu'elle veut véhiculer. La religion véhicule l'inquisition. La religion véhicule le sexisme. La religion véhicule le racisme. Dans les pays racistes... Oui, mais tout ça pour arriver à être heureux. Je ne dis pas que c'est la façon d'y arriver. Oui, mais c'est... OK. C'est... Ça, c'est, comme j'expliquais tout à l'heure, ça, c'est le tampon pour être capable d'accepter de souffrir autant avec l'intelligence qui te chatouille. Faut que tu te comptes un mensonge. Le mensonge, c'est ce que tu appelles l'espoir d'être heureux dans la religion. Mais la religion ne te le permettra jamais. La vraie flamme qui habite l'être humain qui va faire en sorte qu'à un moment donné, ils vont accrocher à la religion, ils sont faits avoir. Non, je suis d'accord que la religion n'est pas constituée pour te rendre heureux, mais peut-être elle existe probablement pour te permettre de vivre, de rester vivant. Non, c'est... En tout cas, la religion, il n'y a pas de raison, c'est une mécanique qui apparaît uniquement, c'est la spiritualisation du contact. C'est pas la raison, mais c'est la mécanique qui fait que... La spiritualisation du contact entre l'intelligence puis le... Mettons que ça a été vrai, puis ce n'est plus maintenant. Comment? Ça a été vrai ce que dit Michel, mais ce n'est plus maintenant. Non, c'est vrai, parce que c'est plus religieux, toi, là, mais c'est tout extrêmement vrai. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est une fois que tu es ressorti de ça, la religion, là, comment tu peux utiliser cet espoir-là maintenant? Parce que ça n'est de l'énergie. Oui, mais au départ, c'est ça, il faut comprendre que... Puis ça, l'humain est bâti pour off. La majorité ici, vous ne croyez absolument pas à vos espoirs et vous ne pouvez pas vous en passer. Mais est-ce que... Bon, mais t'es mieux d'y croire à ce moment-là. C'est évident. Sauf qu'à un moment donné, le moment où tu mentalises un petit peu, ça devient être bas de croire à tes espoirs. Pourquoi? Parce qu'en devenant un petit peu plus mental, un petit peu plus, parce que la mentalisation, ça a de gros problèmes. C'est humain. C'est une étape essentielle actuelle de passage entre l'évolution et la conscientisation. Il y aura une partie mentalisation là-dedans. Sauf que la mentalisation... t'interdit d'y croire parce que les mécaniques astrales sont orchestrées pour que tu ne puisses pas t'accrocher aux vraies valeurs de la création ou de la vie. Pourquoi? Parce que là, il y a des chances que subitement, que tu abandonnes la souffrance. Et si tu abandonnes la souffrance, tu cesses de nourrir tout ce qui a été créé par la souffrance humaine et animale, des égrégores, des entités, des religions, des divinités, etc. Et ça se nourrit de tout ça. Ça vit que par ça. Et c'est pourquoi ça vient de manipuler l'humain pour que ce soit sans arrêt en train d'alimenter ces choses-là. Bon, par exemple, viens te confesser, viens me dire ta souffrance, j'en bois. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le moindre moment que tu commences à t'illuminer, il y a des chances que tu échappes à la mécanique. Et fondamentalement... Le convoi va gagner tout de suite. Fondamentalement, l'humain ne veut pas d'ailleurs y échapper à la mécanique. L'humain ne va rien faire de ce qu'il faut pour améliorer son sort. Sauf si c'est pour fermer la gueule à l'intelligence qui lui parle. Tu sais, tu parles, bon, de l'espoir, on parlait du doute tout à l'heure. Je trouve que c'est relié, cela, l'espoir et le doute. Et puis, ça me fait penser que quand j'étais plus jeune, là, j'avais appris à faire des prières. Et puis là, à un moment donné... Tu faisais des prières ou tu disais des prières? En tout cas, je sais pas, là. Je disais des prières. Non, mais j'y croyais. C'est que je faisais ça, à un moment donné, probablement, c'est quand je voyais un peu plus clair, c'est que là, je me disais tout d'un coup que c'est vrai que Dieu existe. Fait que là, j'ai dit, on va faire des prières au cas où ça existe. Mais je croyais pas. Ben oui, mais c'est que là, j'étais pris entre le doute et l'espoir. Là, je me dis, tout d'un coup, puis là, si j'étais curieux de faire ça, ça me tentait pas de faire des prières. J'haïssais ça. Mais là, à cause de l'éducation... Est-ce que quand tu priais, ça te rapportait un petit peu de bien-être? La seule affaire que ça m'apportait, là, c'est que j'avais l'impression que mes devoirs étaient faits. Donc, ça t'apportait un petit peu de bien-être? Ben oui, c'est... oui, un peu. Et nécessairement, il va falloir que ça l'écarte de prier. Oui, mais ça me... Ça rapporte du bien-être. Non, un peu, mais le bien-être, ça m'apportait, c'était pas intelligent, c'était un bien-être à cause d'une obligation. Ça change rien. C'est ça, et que remonter ça. Ça fait un petit peu mieux. C'est comme laver la vaisselle. Ouais, c'est la même affaire. Même chose. Pas que c'est fait, t'es content. Mais c'est pas laver la vaisselle, c'est le devoir accompli. Mais c'était tout un tiraillement à cause de l'éducation. là, c'est le doute. Est-ce que si j'arrête, puis il y en a un, là, je me suis fait avoir en maudit. Je me suis mis moi-même, tu sais, c'est à moi d'y croire. Ah, c'est peut-être de non, mais peut-être de 10 ans à 15 ans. Bon. Là, et moi, à 4 ans déjà, je m'étais dit, écoute, si je manque mon coup avec Dieu, puis même plus, ça va pas la peine, je le prie. Non, mais moi, c'est à ce âge-là. Mais l'espoir que je parle, c'est ce qui habite l'humain, les lumières en dedans, ce qui fait en sorte que tu t'accroches malgré que tu vois rien. OK? Pourquoi on vous suicidez pas toutes? Mais c'est ça, justement. Parce qu'on n'est pas sûr, ça serait peut-être pire l'autre bord. Ça, c'est de la rationalisation pour t'expliquer ton affaire. C'est parce que quelque part, là, tu crois pas, tu sais que tu ne sortiras pas de la merde, de la misère, du contexte humano-planétaire actuel en te suicidant. Dans le monde de la mort, tu es consciemment, tu sais que c'est pas ça. Il y a des fortes chances qu'il te regorge d'un coup ou d'un autre, 300-400 ans plus tard, ou 30 secondes plus tard, que tu te réincarnes. Sinon, il faut attendre la fin de l'éternité pour être à la droite du Père. Il y a tout un amancheux. C'est pas ça l'affaire. C'est parce que inconsciemment, vous savez tous que c'est en vivant, en étant présent dans la matière, que ce soit par cycle, et maintenant vous êtes dedans, comme ça, il y a là, tu fais quelque chose. Il y a des chances de. Celui qui suicide, que tu le vois. C'est parce que dans le fond. Il espère que c'est l'autre bord, c'est mieux. Bon, pas nécessairement. Il y a des ambitieuses qui ramassent. Il y a toute une mécanique qui va expliquer le suicide. Mm. Okay? Il y a des suicides X, des suicides Y. Il y a toutes les sortes de suicides aussi. Des suicides logiques, des suicides intelligents, des suicides... Il y a tout ça, c'est compliqué. C'est parce que moi je pense qu'à la mort, il n'y a rien. Tu sais. C'est comme la table qui est là, c'est fini. Il m'a contaminé, il s'est rendu, je pense, ça. Hein. Mais, parfait. mais moi, l'espoir qu'il faut comprendre, c'est que de ce que je veux parler... C'est ce qui habite l'être humain à l'intérieur de lui. La lumière qui est à l'intérieur de lui, quelque chose qui le centre totalement. Ça, c'est vrai. Ça, ça dirige. Ça, ça amène à. Puis l'humain ne s'y réfère pas assez, il se réfère plus à la forme qu'il place autour. Par exemple, il y a une lueur quelque part qui va vous faire dire que de la paix, de l'harmonie, de la bonté, de l'amour, intelligent, gratuit, ça se peut. Au lieu de s'accrocher à ça, ils vont s'accrocher à la forme psychologique qu'ils vont mettre autour. Et ils vont croire en Dieu. Ou ils vont croire en saint machin. Ou ils vont croire en saint extraterrestre. Ou ils vont... Ils ne sont pas capables de croire dans la forme. Ils ne croient plus dans rien. Mais il y a toujours cette lueur-là. Mais c'est quoi cette lueur-là? Ça, c'est le contact de l'intelligence, son passage. Si on parle d'espoir, c'est du vrai. C'est ce qui reste dans l'homme. Mais au lieu de s'attacher à la faveur que vous avez, à ce qui vibre chez vous, l'humain s'attache à la forme psychologique qu'il va mettre autour. C'est parce que la forme psychologique est plus concrète que cette affaire-là. La forme psychologique t'empêche d'avancer. Non, oui, parce que c'est... Et la nature de l'humain va donc faire, va s'attacher à ça. Oui, mais c'est... Mais crise, les humains. C'est pour ça que... Parce qu'ils disent... Pourquoi ils mettent Dieu, là? C'est parce que ça se peut pas, deux humains qui s'aiment. Moi, je vibre l'amour humain parfait. L'amour humain... C'est pas que ça se peut pas. C'est que tu ne veux pas que ça se puisse. Non. C'est trop beau. Oui, mais égoïquement, ça va être. C'est pour ça que les gens. Et la rationalisation. Il n'y a pas un humain qui va être capable de me dire je ne veux pas que deux humains soient heureux. Il n'y a pas un humain qui va pouvoir me dire ça. Alors ils vont dire non, ça se peut pas que deux humains soient heureux. Ou bien tu vas dire oui, ça se peut, mais j'en ai jamais vu. Mais tu m'exprimes toujours que tu ne veux pas. Non, mais... Alors là, tu vas dire ou peut-être avec Dieu, tu sais, peut-être ailleurs. Il faut que la nature de l'humain va refuser de pouvoir le vivre. Mais moi, ce que je veux comprendre, c'est quand je dis « il y a de l'espoir pour l'espoir », les saveurs qui habitent l'humain sont des saveurs vraies. Ce sont de vraies perceptions. Quand vous regardez un film extraordinaire, beau, qui finit bien, qui est merveilleux, qui est correct, sans plein ça, pourquoi vous appréciez ça? Bon, il y a un film parfum de femme, un exemple. Bon, à la fin, ben là, le colonel aveugle, il finit par venir, puis là, il va aller sauver, il va aller aider un petit peu à côté, tout le monde va comprendre, tout le monde, c'est merveilleux. On n'ira pas punir les trois épais. Ils vont dire, oh, il est promené pareil, bon, il est laissé entrer un petit peu. C'est parfait. Là, finalement, c'est un film que tu peux aimer. Il n'y a pas de violence dans le film. Il y a des événements humains. Mais ce n'est pas la violence dans le film qui fait qu'on apprécie le film. Il s'en sort. Il est drôle. Il est correct. Puis le gars qui se déteste, qui veut se suicider parce qu'il ne vaut rien, t'aimerais être comme lui. Donc, c'est beau. Si vous ne l'avez pas lu, vous le louerez, vous regarderez, c'est génial. Mais à la fin, pourquoi le film, on l'aime? Parce que ça se rapproche de la saveur qu'on a en dedans de ce que c'est que le règne humain. Et on va dire, mais c'est un film. Chou! sauf qu'on aimait ça quand même, donc il y a quelque chose. Il y a quelque chose, oui. J'aime ça, c'est oui. C'est déjà là. Parce que ça vient vibrer avec l'intelligence qui t'habite. Mais ce que je me rends compte, c'est que ça fait c'est un espoir de dernière chance. Comme si, tant qu'à... Non, ça, c'est l'explication. Chacun voit après ça colorer ça astralement à sa façon. Non, mais au lieu de dire c'est un espoir tout court. C'est pas un espoir. Moi, ce que je dis en regardant le film, là, je vais dire, parfait, mais je sais que c'est un film. Mm-hmm. Et moi, ce que je sais, vu que je vois un petit peu plus loin que le film, je vais me dire, au moins, il y a des scénaristes qui commencent à être suffisamment pilonnés dans l'astral pour commencer à descendre des scénarios. Puis il y a du monde qui sont suffisamment conscients pour être capables d'aller voir assez le film pour que ça soit rentable pour le gars. Donc, je me dis que ce que je vois dans le film, bien, maintenant, il y a du monde capable de le savourer. Donc, ce que je vois dans le film commence à exister sa planète. Pas le scénario du gars qui se lève à telle heure pour aller se moucher. Mais ce que je sais, c'est que c'est évident que la présence de cette saveur est de plus en plus concrète. Bien, ça, ça a été un succès commercial, donc ça veut dire qu'il y en a plusieurs humains qui vivent à ça. Exactement. Alors moi, ce que je dis simplement, c'est que la personne, quand vous voyez, tu sais, on dit qu'il faut regarder les signes des temps. Il y a plusieurs mondes parallèles en même temps. Un des signes des temps, la guerre en Bosnie, ça ne vous concerne pas. Je vous dis pas que vous devez pas financer les casques bleus. Ben enfin, disons, des gens qui vont l'empêcher. Il faut. Ce que je veux dire, c'est que ça ne fait pas partie de votre monde, mais ça fait partie du contexte planétaire dans lequel on vit. Ces mondes parallèles-là sont très près et peuvent facilement venir s'auto-manipuler. Bon. Donc, on doit bouger ces choses-là pour conserver notre cadre ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans mon monde à moi, quand je regarde certains individus, certaines actions, certains films qui sont créés, je sais que cette saveur-là est en train d'être terrestrifiée, qu'elle descend. Mais ce que je veux que l'humain comprenne surtout, au niveau de la conférence par exemple, c'est que les petites saveurs que vous avez, ces choses-là sont totalement vraies. C'est probablement plus vrai que tout le reste. Et au lieu d'engendrer ou d'attacher des formes à l'espoir, il faut comprendre que la saveur que je vibre, elle se peut. Elle existe de toute façon quelque part, puis l'humain va de toute façon pouvoir y cheminer. L'humain va pouvoir y cheminer qu'à la condition qu'il comprenne certaines lois fondamentales de son être-té. Bon, dans l'autre conférence, on en a vu une, celle que la nature de l'humain est une nature à rechercher la souffrance. Puis ça, il faut l'intégrer convenablement. Puis la façon, c'est chaque fois que vous allez vous demander, « Mais comment ça se fait, torieux, qui font ça? » Pas avec l'idée! L'humain cherche la souffrance, va dire, « Ah, je comprends. » C'est évident. T'es clair, tu compris. Pour que tu finisses par voir clairement que l'humain recherche la souffrance. Il y a eu un carambolage dernièrement dans l'Outaouais. Il y a du monde qui roulait avec leurs pneus d'été. Oui, mais comment ça se fait, maudit, au Québec, on le sait-tu? Combien il y en a qui vont se noyer avec leur motoneige prochainement, ces lacs? Quelques-uns. On est des hivers, on est des gens qui vivent au Québec, on est des gens d'hiver. On le sait que la glace est un piège au printemps. On le sait! Pourquoi ils vont y aller pareil? Oh, parce qu'il faut! C'est simple. Vas-y pas! Oh, mais là, on va encore avoir un petit peu de plaisir! Ça peut craquer. Non, non, ça craquera pas! Clac, ça craque, tu te noies. Réglé. Tu prends des boissons, tu conduis, pas de problème. Ça a besoin chez l'humain. Quand c'est clair, bien là, l'humain va pouvoir travailler pour aller vers sa saveur. La saveur, c'est les choses qui animent l'être humain. Quand vous êtes capable de regarder quelque chose de beau et que ça vous touche, c'est que vous avez de la conscience. Mais cette conscience-là, elle est toujours ternie par toute l'historicité humaine, par la nature même de l'être humain, physique, biologique, vital, astral et mental. C'est toujours terni pour vous expliquer que ce ne sera pas votre lot, que ce ne sera pas pour vous autres, que ce ne sera pas ci, que ce ne sera pas ça, que ce ne sera pas ça. Ou de temps en temps, vous allez y croire. Mais vous allez tout faire pour y aller. Il y a du monde qui vont dire, non, on fait tout pour y aller. Mais maudit, il faut être subtil. Les gens qui partent une commune, c'est pour vivre en paix, c'est pour ci, c'est pour ça, c'est pour ça. Mais regardez les AG, ils vont tout faire pour s'engueuler. Et les communes finissent toutes par éclater. Parce que là, il fallait bien qu'ils fassent un mouvement vers leur intelligence, il y avait trop de contact avec la conscience. Alors, ils ont bougé des choses. Il y en a qui vont dire, adopter un enfant, ils vont prendre le pire. Il y en a que ça va aller, ils vont trouver d'autres choses. Tout le temps, l'humain va travailler pour ça. Alors, moi, ce que je veux qu'on comprenne, c'est que Quand l'être humain parle d'imagination ou quand il parle d'etc., ces choses-là sont réelles et sont vraies. Ça veut dire que tous les petits fondements d'espoir que vous avez. Une personne, à un moment donné, bon, dans le livre que je leur remets, la Cité de Sept que j'ai écrit, on parle effectivement de voyageurs transtemporels, de gens justement qui vivent dans une société qui est vraiment comme celle que l'humain doit connaître. On parle de contact avec une société beaucoup mieux au 20e siècle. Puis on parle des marasses, des mécaniques et du travail qui est fait, qui d'ailleurs c'est un roman, mais c'est un roman qui parle de réalité colorée. On parle du travail qui est fait depuis le large de conscience humaine à travers le temps, pour que l'humain finisse par arriver à être pacifié. Quelqu'un qui lit le roman, puis qui sent, qui flotte, mais c'est parce qu'il connaît, il sait. Quand je parle d'histoire, moi je parle de ce qui va vibrer là. Ça, c'est de la réalité. Une réalité qui n'est pas appliquée ici, parce qu'actuellement, 20e siècle, 21e inclus, puis l'histoire du passé, la nature humaine n'est pas assez mutée, elle n'est pas assez changée pour que l'être humain puisse se désassujettir de la mécanique de la recherche de la souffrance. Quand on dit, en relation de couple, qu'une bonne chicane de famille de temps en temps, tu sais, c'est sain pour le couple. Moi, ça ne fait pas partie de ma vie, moi, ça. Franchement, je vois vraiment pas. Moi, je trouve ça assez niaiseux. Mais si je comprends la mécanique que l'humain a besoin de souffrir pour être équilibré, bien là, ils vont me dire, le gars a raison. Le conseiller qui dit ça, il est professionnel. Il s'adresse pas à l'intelligence de l'homme, il s'adresse à l'homme. Il s'adresse pas à l'intelligence de la femme, il s'adresse à la femme. Et là, c'est vrai. Il y en a qui vont dire, oui, mais c'est plate, hein, couple, où est-ce qu'on se dispute jamais un petit peu? Mais oui, parce que le besoin fondamental de l'humain, c'est la souffrance. Le bonheur ne fait pas partie de ce qu'il peut. Mais vous savez, l'humain a cette lumière. Cette lumière-là, c'est ce qui va engendrer l'espoir, puis c'est elle qui fait en sorte que l'humain veut quelque chose. Il y a de l'espoir pour l'espoir, en ce sens que ce qu'il faut que l'humain finisse par comprendre, ce qui vous habite, là, crachez pas dessus, enterrez-le pas, dites-vous pas que c'est juste des illusions, c'est d'ailleurs ce qui vous fait vivre maintenant ici en tant qu'être intelligent, puis c'est la seule chose qui va être capable de vous accrocher puis de servir de carburant pour vous faire changer de monde. C'est la seule affaire. Mais si tout le monde, en tout cas, pas si tout le monde, c'est un bon groupe, ça essaie de l'enterrer en même temps. Ça ferait vraiment un gros moteur d'énergie. On pourrait bouger, avancer beaucoup plus rapidement. C'est sûr. Mais y a-t-il un groupe, y a-t-il suffisamment d'individus qui vont prendre la décision de dire au 20e siècle, bon, bien maintenant, nous allons étudier les lois de la souffrance et on ne les applique plus. Mais est-ce que tu vas voir qu'ils vont aller à la pêche, ils vont aller à la pêche. Mais si on se dit... Oui, mais c'est que le groupe, peut-être... Non, ça va se faire. Mais le groupe est capable de faire une entente. Sauf que, est-ce qu'ils vont... Il y a peut-être, on va dire, des gardiens de la souffrance, quelque part. Non, il y a de la nature. Ça ne sert à rien de dire, il y a des gardiens dans la salle, ou le diable, ou Satan. Parfait. C'est de la nature. C'est juste de l'autopunition. C'est ce que ça va donner. Mais l'autopunition, en réalité, c'est une autosatisfaction. Oui, parce que... Non, c'est, ouais, mais malheureux, c'est le bonheur, finalement. C'est ça le bonheur malheureux. Non. Ce qu'il faut comprendre, c'est que être malheureux, parce que l'humain a des mots pour mélanger. Le bonheur, l'humain n'en veut pas. Par contre, l'humain a de l'intelligence, donc il est obligé de rechercher le bonheur pour arriver à se stabiliser. Mais en réalité, il va tout faire pour aller chercher l'inverse. Et l'humain, moi je dis que l'humain, il est bien quand il souffre, qu'il est malheureux. Je ne dirais pas à quelqu'un qui est malheureux, t'es heureux, il va dire non. Mais je sais qu'il est bien. Il va aussi me dire non. Alors je vais lui dire, alors cesse de faire ça. Oh ben! Non! Parce qu'il est bien, là. Il est bien, là. Mais il y a un temps, quand même, où t'es plus chicoté, que là, t'es plus bien, là. C'est de cette phase-là, je parle. C'est l'intelligence qui commence à venir te dégourdir. Là, je m'attends à ce que tu fasses un mouvement vers l'intelligence, mais pas parce que tu veux être bien, parce que tu veux couper le contact. Oui, c'est pour ça, moi, c'est de cette phase-là que je parle. Puis là, il y a plusieurs individus ensemble qui peuvent arriver à quelque chose s'ils viennent qu'à se le dire, là. Oui. Maintenant, la première chose qu'il faut faire, il faut que tout ce qui anime les individus, cette vibration-là de dire que, merde, ça se peut... Tu sais, la recherche. Si un jour, on vous dit, tout le monde ici, il existe quelque part une société où les gens vivent bien. Tu sais, on vous l'a décrit. Ça aurait pu être Auroville. Ça peut être le village of ça. Ça peut être d'autres choses. Quelque chose, c'est parfait. La majorité vont faire un effort pour aller voir, pour s'informer. Ils vont faire venir une vidéo cassette. Ils vont regarder. Ils vont aimer ça. Mais après ça, on va leur dire, pour en faire partie, vous allez devoir abandonner une partie de ce que vous êtes. Parce que vous êtes des êtres critiqueux, des êtres chialeux, des êtres qui dorment mal, des êtres qui mangent mal, des êtres naturels. Alors, vous allez donc devoir travailler certaines choses. Puis là, tu vas voir que là, ils veulent être dans la cité parfaite. Mais à la condition qu'on... Ils ne veulent pas être dans cette parfaite. Ils ne veulent pas les achaler. Par contre, ce qu'il faut, ce qu'on peut constater, c'est que la petite lumière qui va vous faire bouger chez vous, ça fait partie de votre réalité. Ça, c'est réel. Et l'être humain a la capacité, c'est sûr que dans une conférence, on ne réglera pas le sort de l'espoir, mais l'humain a la capacité d'arriver à faire grandir cette flamme, à nourrir ça suffisamment pour qu'à un moment donné, il commence effectivement à déambuler avec de la volonté d'intelligence. Donc, il ne fera plus rien de ce qu'il ne faut plus faire. Pas par des lois divines ou des lois humaines ou des lois de quoi que ce soit. C'est évident. Bon, moi, je dis à quelqu'un, c'est que tes pneus sont usés, non, très, très usés. Ah, oh, ouais, je suis bien, mais tu dis, devrais me te faire encore. Veux-tu avoir une crevaison? Ah, oh, ben non. Ben d'abord, arrange-toi pour changer tes pneus. Ouais, oh, j'ai pas d'argent. Mais quand tu vas avoir une crevaison, vas-tu changer ton pneu? Tu sais, quand peut-être t'es fendu, ouvrir sur le côté, vas-tu changer ton pneu? Ah, oh, ben là, je n'aurai pas le choix. Pourquoi d'abord, tu n'as pas le choix avant que ça arrive? Pourquoi tu ne les changes pas? Ah, oh, mais ça coûte cher. Mais ça dépend. Il y a bien des places. Il y a des usagers moins usagers que les tiens. Il y a moyen de s'arranger. Mais le gars va se casser la gueule. Il va se tuer. Il va tuer quelqu'un. Il va juste avoir une crevaison. Il pleut à verse. C'est l'hiver, moins 40. Et voilà quoi. Mais le gars, pourquoi vous pensez que nos sociétés ne sont pas des sociétés de prévention, ce sont des sociétés de cure? Prévenir, ça ôte tout le picalin. Il y a plus de souffrance après. Tu préviens les problèmes. Il n'y a plus. On vit de quoi? Mais ton gars, tout à l'heure, qui avait mis ses pneus d'été, il avait prévenu l'été? Non, le gars, il y a là, non. C'est comme si les pneus d'été se tournent pas. Non, je ne suis pas préventif. Moi, je vous dis que le gars a mis la fille ou le gars a mis des pneus d'été parce qu'il recherchait un accident. Il va me dire non. C'est sûr, votre intelligence vient court-circuiter votre ego. Ça crée une problématique. Puis vous êtes suffisamment en contact avec votre intelligence pour ne pas être capable de dire clairement « Oui, je voulais un accident. » Alors, vous allez dire « Non! » Je vais l'appeler d'abord. Vous faites ça. Quelqu'un peut dire « Mais c'est plus fort que moi. » Ah! C'est déjà mieux. Je suis manipulé. C'est exact. On parle de la nature de l'humain. La majorité vont dire « Je ne sais pas. » Ben, je ne pensais pas qu'il était pour neiger. Je sais bien. C'est combien de temps que tu vis au Québec, là? Mois de mars, m'a donné neige plus. C'est évident. Je pensais ça. Non! Sans arrêt, fréquemment, c'est comme ça. Chaque été, il y a des noyades dans les piscines. Et chaque été, on fait les mêmes affaires. On fait la même maudite bebelle. Tout le temps, lâchons pas. Il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur de l'humain, qui ressemble à ce que l'humain appelle de l'espoir. Mais ce n'est pas de l'espoir, c'est de la réalité. C'est de la vision avec quelque chose d'intelligent. Au lieu de mettre une forme et de s'attacher à la forme n'arrivera jamais. Vous décidez que c'est Dieu, vous ne le verrez jamais comme ça. Vous décidez que c'est moi, vous allez être déçu au maximum. Vous décidez que c'est telle entreprise, que c'est un commerce que vous allez lancer, vous allez encore une fois vous faire avoir. Pourquoi? Parce que c'est la saveur que vous devez regarder. C'est la saveur qui doit vous diriger, pas la forme qui entoure la saveur. Parce que la forme est une coloration astralisée. C'est une coloration qui est un manteau qu'on met, mais qui ne va pas à la saveur. Mais qui nous permet de la concrétiser. Mais nécessairement, on ne l'aura pas. Moi, je le vois. Puis là, je vais me marier par les enfants. C'est le bonheur. Je le vois. C'est pas ça que tu vas avoir. Là, tu dis, toi, c'est impossible sur la terre. Non. C'est parce que tu as mis une forme autour de ta saveur. Là, tu as décidé d'avoir la forme, pensant qu'en ayant la forme, tu aurais la saveur. La forme ne vient pas de cette saveur. Mais autrement, il faut être lucide. Mais souvent, les gens associent à être lucide à « ça se peut pas ». C'est la mécanique humaine. Pourquoi pensez-vous que ça se peut pas? Parce que ça peut arriver. Si vous commencez à vous entretenir intelligemment, vous risquez de changer. Si vous cessez de vous engueuler et de vous en faire avec tout ce qui sert à rien, vous risquez de changer. La nature humaine ne veut pas changer. Mais tu dis la nature humaine. Oui, la nature humaine ne veut pas changer. Mais si on prend le gars ou la fille de tout à l'heure qui a gardé ses pneus d'été, là, bon, si elle était lucide, elle dirait je voulais un accident, mais en même temps, il peut dire je voulais pas un accident. Non, ce qu'il faut que la personne comprenne, c'est que j'en veux l'un ou que j'en veux pas, c'est évident que j'ai fait ce qu'il fallait pour en avoir un. Donc, quelque part, donc, je dois admettre qu'effectivement, je travaille en maudit pour me chercher des problèmes. La personne va dire, c'est pas ça que je veux. Moi, je vais lui dire, dans ton intelligence, c'est pas ça que tu veux. Mm-hmm. Mais tu dois observer que ta nature t'amène encore à faire ce qu'il faut pour te casser la gueule. La personne qui va dire, bon, ben là, mettons que je la rencontre avant, je vais lui dire, veux-tu un accident? Elle va dire, non, il peut neiger. Oui, mais il peut ne pas neiger. Mais s'il ne neige pas, tu es correct avec tes pneus d'été. Mais s'il neige, tu es fait en maudit. Si tu mets tes pneus d'hiver, s'il ne neige pas, tu es correct avec tes pneus d'hiver. S'il neige, tu es correct avec tes pneus d'hiver. L'humain qui veut la paix, il met ses pneus d'hiver. Moi, je mets mes pneus, je fais mettre mes pneus d'hiver après mon automobile. Au moins 2 semaines, 3 semaines avant qu'on pense qu'il peut neiger. Puis quand je les autres, c'est quand c'est statistiquement évident qu'il neige autant. Mais à chaque fois que je me fais mettre une pluie d'hiver, moi, il n'y a pas grand monde. Puis la première tempête de neige, les autos sont toutes partout parce que les Québécois, ils ne s'attendaient pas à ce qu'il neige le 8 décembre. Pourquoi ils n'ont pas mis leur pluie d'hiver? Mais j'ai pas eu le temps. Vas-tu avoir le temps maintenant? Pas plus, mais tu vas y aller. Je veux que l'humain voit la nature. Mais par contre, l'intelligence qui habite l'humain, ça, c'est quelque chose de vrai. C'est pas un espoir, on dit d'espoir pour votre espoir. Ce que je veux que l'humain comprenne, c'est que cette saveur-là, elle fait partie de la réalité. C'est elle qui peut changer les choses, c'est elle qui devrait diriger l'humain, mais pas la forme qu'on met autour de la saveur. Vous allez encore toujours vous désillusionner et vous allez finir par plus croire à cette saveur-là. Alors qu'elle est vraie. Être en paix, ça se peut. Avoir des vrais amis, ça se peut. Aimer, ça se peut. Monter en amour, pas tomber. Monter en amour, ça se peut. Mais pas avec des formes. Ça ne ressemble jamais à ce qui a été fait dans le passé. Ouais, ça se peut. On va en reparler prochainement.